Dans l'avion. Vous habitez le Canada? Oui, mais je suis français. Et vous? Moi, j'habite Paris. Et vous êtes français? Non, je suis canadien.